dois bien avouer que pour elle, j'en pince mon Seigneur. Sur ses pieds de biche, elle n'a pas besoin d'enjoliveur. Sous ses clés anglaises, je devine sa tête d'Elco. Sa jupe de piston, ses bras de suspension, c'est trop beau. C'est trop beau. Sous l'arbre à cames, j'aimerais tant m'allonger avec elle. Allumer les bougies, laisser à flot couler les bières. Nous graisserons la pompe à huile, titillerons les gicleurs. Caresserons le carter humide pour trouver la lumeur. Pour trouver la lumeur. C'est trop, ça tourne au vice. Il pète les durites avec une barre anti-roulis. Aucune soupape ne nous interdira l'admission. À la crémaillère vers la chambre de combustion. La chambre de combustion. Je dois bien avouer que pour elle, j'en pince, mon Seigneur. Sur ses pieds de biche, elle n'a pas besoin d'enjoliveur. Sous ses clés anglaises, je devine sa tête de Delco. Sa jupe de piston, ses bras de suspension, c'est trop beau. C'est trop beau.